Yeah. Ah. Allez, en technique, reviens dans un style différent. Non, les nuits. Vous écoutez le Radio Big 19 pour le 88.9 FM de Santa Maria de Opusco. Et on y va. Attaque de manière spéciale dans un but bien précis. Un pour les vacances, deux pour la danse.